easy. J'ai pas branché, la nozo est quadrillée. C'est un peu plus cher aux zoo, mais c'est de la qualité. Le flic tueur, la dame à Traoré sera acquitté. Emma et Smadic Cop, la matrina va se marier. Toujours prêt à niquer des mères, tenez à le souligner. Les gamos, les mention, les grosses, tu as un tout dit. Je l'ai mis dans le cul sur un son de caille, je peux plus t'oublier. Pour avoir un gros billet, je me mets dans mon billet. Tu passes une mois depuis la maternité. C'est bien d'avoir les grenades, mais c'est plus des groupies. Je veux les funérailles de MLK, pas Johnny Hallyday. Nique ta mère, pas le cul, les rapines ne t'ont pas validé. BGP branché, 9 millis pour t'saccager. Quand c'est fait sur mon son, je serai obligé de te partager. J'ai signé avec Dieu, mais Iblis veut me manager. Je vais te faire les contours, mais je vais te les faire à la crue. Si tu parles mal de la bouche, la violence va escalader. C'est hello to my little friend, bataradé. J'suis sorti calibré, j'écoute un disco baladé. J'suis Captain Africa, vert jaune roche sur le bouclier. Sa mère ne m'aime pas, elle dit que j'ai trop d'obscénité. J'viens d'acheter deux en mai, avec l'argent d'Ipséité. Va me faire à manger, parle pas de mes infidélités. Si t'es son ennemi, t'es le mien, y'a pas d'ambiguïté. TGP branché, genou de gauche sous le canapé. J'ai commandé le dernier AMG, blanc maquillé.